Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. For questions or comments, call the studio line while the music's playing at 612-341-0980. Bonsoir, Caril. Bonsoir, Dana. Comment ça va? Ça va bien. Sauf qu'il ferait très humide dehors. Oui, n'est-ce pas? On a parlé de la pluie. Peut-être ça va améliorer l'humidité qui est... Let's hope it rains. Espérons. Alors, nous avons de nouvelles chansons de RFI, Radio France Internationale. Et on va commencer avec Les Innocents. Mm-hmm. Parce qu'ils viennent de sortir un nouvel album. L'album... Bon, c'est, ça s'appelle Mandarine, le nouvel album des Innocents. Et on va commencer avec les trois chansons par les Innocents. D'abord, les Philharmonies martiennes. Et ensuite, Oubliez Waterloo et Love qui peut. Les Innocents. Taite ça et là, t'as itinéré, je suis ça, que tu t'adores là-haut. Brigue l'or et le fer ailleurs, t'as été à ça de moi, t'as ôté tous mes totems, ça ne me surprend pas. Ça ne prend pas le pas sur nos vieilles lunes, sur le pas que j'espère faire, retrouver mes gestes frères, faire ouvrir les vents, plier les temps contraires, qu'on s'y retire au clair, retendre à mi. Nos violons et le fil des philharmonies martiennes. On a été, on en est là, dans le chic et dans le baba, poseur de bombes à de pique au port de tête ailleurs. Ça n'efface pas nos traces sur cette lune et le pas qu'il me reste faire, faire pour retrouver le geste frère, faire pour retrouver le geste et le fil des philharmonies. Martienne, j'espère fais, qu'avais-je à faire, aimer autant que peu dans mon ombre avant toi. Mais je n'en ai que faire, le vent, le vrai refait du feu. Ralenti, j'ai envie de c'est mieux que tu conduises, qu'on s'arrête à Venise. Oublie Waterloo. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. All right, we just heard Les Innocents with the Martian Philharmonic, Love Qui Peut. Love the Canned, and Forget Waterloo is the other, Oublier Waterloo, on their new album, Mandarine. It's been 15 years since they produced an album. We're excited to have Jean-Christophe Urbain and J.P. Nataf are back in the studio as of last year. Les Innocents are well known being like the French pop of the 1990s, and mm-hmm. in 1999 they had a semi-flop of an album, so instead of having some critical press and more bad something, they just decided to quit producing records and went and worked in their own realms. Like Jean-Christophe, he was a great, talented producer working with Jill Kaplan and other artists. And what was Natif? He put the Mon Ami d'en Haut chanson, and we've played that before. Mm-hmm. Yeah, that one. So this new album just goes to show that their musical fantasy and talent are totally intact. I loved it. Just, we were bopping around the studio here. We hope you're dancing at home. Eh ben oui. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Peut-être un ancien. Mm-hmm. Pourquoi pas? Mélange. Charles Aznavour, mm-hmm. il va vous chanter Hier encore. Et c'était américaine aussi. Mais ça a commencé avec Charles Aznavour. C'était lui qui l'a écrite. Ça va être suivi par Charles Aznavour qui chante For Me, Formidable. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies, qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. You are my love, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, formidable. You are the one for me, formidable. But how can you see me minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, chérie, pour te plaire, dans la langue de Molière. Toi, tes yeux, ton nez, ta bouche adorable. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en. Darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I All right, we just heard Charles Aznavour with Hier Encore, so Again Yesterday, and after that, For Me, Formidable. So, formidable, I mean, what is the cinnamon for that? Incredible, amazing, mm-hmm. It's just so Rat Pack sounding. I just watched How to Marry a Millionaire the other day with my daughter. It felt sort of like that era with Marilyn Monroe and Lauren Bacall, that movie. Oh, yeah. But my daughter told me, she said, this is the most pointless movie ever. These women aren't doing anything. And I said, it's about the clothes. Let's watch the clothes and the decor. Mom, are you really making me watch this? Oh, well, This Charles Aznavour. If you listen to, maybe just put in Aznavour and then watch some really incredible movie like that in the background. Would be perfect. I don't know when that was made. 50s, 60s? Yeah, late 50s, mm-hmm. early 60s. Well, Charles Aznavour was an absolutely incredible, or is. He's still living. Mm-hmm. He's in his 90s, when he's extremely active. He's giving concerts. Every once in a while, his agents announce that he's retiring and having his final tour, but he says, no, I'm going to sing. Prolific. But not only that, but he wrote so many songs, wonderful songs. Hmm. Started out as Edith Piaf's pianist. What an incredible life. Mm-hmm. Prolific. How are we going to follow up Aznavour? Aznavour, oh, on va le suivre par une nouvelle qui s'appelle Austin. C'est un disque, La pauvre Scarlett. Et ça va être suivi par L'orage. Alors, Austin, qui c'est? Elle a sorti cet album qu'a appelé Le calendrier en 2011. Elle décrit la vie d'une femme pendant chaque mois de l'année. Alors, on parle de janvier. C'est ou cool. Quelquefois, je crois que la pauvre Scarlett, je ne sais pas si c'est elle qui doit souffrir chaque mois. et L'orage, alors, vous peut-être. Allez voir ça. C'est quelqu'un de nouvel, au moins pour moi. Et ça nous a été envoyé par RFI, Radio France Internationale. Je pense Austin. Que... Comme toi, il se lève le vent sans faire de bruit. Dans mes cheveux, il souffle le vent. Il tourne et caresse aussi. Il serait ravi de le fond à en croire Léon dit. Et ce sont les plus beaux sermons qu'il emporte avec lui. Je t'enviais, jolie Scarlett, mais j'allumais une cigarette. Il rendrait parfois fous les gens, et comme des girouettes, il tournerait au gré du vent à en perdre la tête. Si j'allais aussi vite que le vent, je serais partie et je n'aurais été qu'un courant d'air qu'aussi vite on oublie. Et j'enviais la jolie Scarlett, mais j'allumais une cigarette. Comme toi, il se lève le vent sans faire de bruit. Dans mes cheveux, tu souffles souvent. Je ne cherche même pas d'abri. Et j'enviais la jolie Scarlett, mais j'allumais une cigarette. Et j'enviais la jolie Scarlett, mais j'allumais une cigarette. Welcome again to this encuentro and songs about love, romance, and broken hearts. KFAI is Valentine's Day with Gilberto on Encuentro. Amores aguerridos, amores torrenciales, amores mezquinos, amores sosos, amores gozosos. KFAI is community. We're glad you're here. Our fall membership drive begins September 19th. Stay connected on the air and at kfai.org. Thank you. blessure, c'est pour moi de mauvaise augure. J'ai constaté en effet que lorsque les yeux se couvraient, plus question de m'en plaindre, car tu viens me rejoindre. Alors, moi j'attends l'orage, le vent, la foudre, les nuages, et seul, je prie pour que vienne le tonnerre et les pluies diluviennes. A continuer de prier, et toi tu prends des couleurs dans le jardin en débardeur, écoutant le chant des cigales, mes plus innocentes rivales. Alors que j'attends. De ton hamac, c'est un tout autre va-et-vient que j'imagine sous l'arbre à pain. Alors, ça c'était Austin. Austin with Le Pauvre Scarlet and L'Orage. And as Carol was saying, Austin, this album came out within the last couple of years. This is a bunch of songs about all the different a woman during each month of the year. And her voice is just like a doll, so soft. And that harmony she had with her own voice in that one section was just beautiful. So, The Poor Scarlet, I don't know which month of the year that really was. And the next one, The Storm, L'Orage, could be July, could be June, but... Peut-être. J'ai pas entendu le mois. Moi non plus. So. Voici une annonce. Listen for KFAI at the Minnesota State Fair this year. We'll broadcast live from the Education Building, Monday, September 7th, Labor Day. Look for us at the Education Building. It's connected to the Creative Activities Building. Sounds like fun. Have you been out to the fair? No, have you? Nope, not yet. I don't know if I'm going this year. Il fait assez chaud aujourd'hui. I know everybody, my friends keep posting online all these incredible pictures. Uh-huh. Piglets like a couple minutes old and just great food stuff. And it's just so many incredible things happening out there. So, yeah. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Pourquoi pas? Ton choix, what you would like. Bon, on a encore une troisième d'Austin, mais je crois que c'est un peu lente, elle. On va passer ça. Take a little break from some slow baby doll voice. Il y a d'autres choses. Il y a lettre à Marianne par CAD. Pourquoi pas? Why not? Alors, let's take a little detour. So, his name is CAD Achery. He is born in Tarn in the south of France from parents that are Berber Algerian. And he started his career in London. He fell in love with the singer Natasha Atlas. That changed his destiny. He followed her to Athens, where he made his first album. And since then, he's been writing others, poetically influenced by jazz with beautiful melodies. Alors voilà, CAD, lettre à Marianne. Et je me demande si c'est Marianne, la Marianne symbol française, symbole de la France. Marianne est un peu comme l'oncle Sam aux États-Unis. So, letter to Marianne, and we're thinking that it might be letter to France, as Marianne is the symbolic woman who represents France like Uncle Sam does America. Alors, la voilà. Là, sans trop y croire, on nous dit de bouger, y'a rien à voir. Faut pas l'ouvrir quand t'as la poche trouée. Faut ne rien dire, toujours la fermer. Isolé, désolé, comment croire à la loi? Quand déjà à 10 ans, on te montre du doigt. Pourtant tu es beau, mais oui tu es beau. Et c'est pour toi Marianne que j'écris ces mots. Oh je suis un indigène, un indigène de la République. Oh, je suis un indigène de la République. On est tous les indigènes de la République. On est tous les indigènes de la République. Et toi là-bas, qui écoute la radio, cette chanson, ces quelques mots, regarde autour de toi ce que tu verras. Le chemin vers lequel la vie te mènera. Black, blanc, beurre, elle est ma couleur, celle qui de toutes me réchauffe le cœur. Alors je t'invite, toi la Marianne, à venir me le dire, le chanter en cœur. Oh, je suis un indigène de la République. Oh, je suis un indigène de la République. On est tous des indigènes de la République. On est tous des indigènes de la République. All right, we just heard CAD, and I don't know if you saw it, but here at the KFAI studios, what just happened? How do we call that in French? Les éclairs. Oui. Not chocolate kind. No. Lightning outside. Moi, j'aime mieux les éclairs au chaud. Moi aussi. But the ones in the sky are lighter and more healthy for you. Maybe. Exactement. Mm. Should we go ahead and play... Un peu d'édite? Mm, pourquoi pas? Okay. Des chansons par Édith Piaf. Et d'abord, c'est Jezabel. Mm. Alors, c'était une chanson populaire et en Amérique et en France. En Amérique, je ne m'en rappelle pas. Je crois que c'était Frankie Lane qui a fait cela. Ça va être suivi par Édith Piaf, qui chante La Foule. Une de mes chansons préférées. Ah. Si tu veux parler un tout petit peu, je vais... Je vais parler un peu de Édith Piaf. Quand j'habitais à la Bastille, a long time ago, I lived in the Bastille neighborhood, and there's a place called the Balajo where she used to play, and the decor is still in the 1940s style. Mm-hmm. It's on Rue de Lappe, and Rue de Lappe in the Bastille neighborhood, that's where all the bal musettes were held, and... So this actual song, La Foule, which we'll be hearing after Jezebel, is luckily when you go to the Balajo, I do want to prefix this that a friend of mine told me he was there when Prince played his very first concert in Paris. Oh. At the Balajo, and he got booed off stage. No. He was wearing a raincoat and a G-string, and he was, you know, he was being Prince. Uh-huh. But Prince Paris wasn't ready for Prince in the year that he played when he played at the Balajo. And so this is the kind of place where you have live concerts all the time. And to its credit, the Balajo remains intact inside, and they always play Edith Piaf. And it's an open dance club every Friday and Saturday night, and you'll have music from every era, like 1960s, oh, yeah. Yaya type of... People wearing those clothes there dancing. And there was a man named, his name was Karim, that just swooped me on the dance floor with his hair back and his just foulard de soir. No, I was like thinking that, you know, I'd think of all these Piaf lyrics. That's a Milord, right? But he just was the typical one. So I could just be brought right back to 1940s. Oh, gosh. Oh. Yeah. Balajo. So, Balajo. C'est Piaf. Rue de Lappe? Rue de Lappe. Mm-hmm. And so if you go there, you know that she was there. Her soul is there. Mm. Total Piaf. Enfin, j'ai visité son tombeau, qui est Père Lachaise. Elle est avec son mari. Son dernier mari était beaucoup plus jeune qu'elle. Mm. Et Théo Sarap. Quelque chose comme ça. Et son tombeau est marqué Madame Théo. Oh. Ça, pas Édith Piaf. Parce que lui, il n'était pas connu, mais... So her own grave says son, Madame Sarah. How is his last... His je last name, Théo Je ne suis pas Sarah. Sûre. C'est S-A-R-A-P-P-E, quelque chose comme ça, Sarah. And as she's buried in Père Lachaise. Écouteur, quelqu'un qui écoute... Auditeur qui mm-hmm. nous écoute. Call the studio line if oui, you know on Edith a envie Piaf's d'écouter. Call second us. Husband. Or he's a second husband, right? And she was much oui. older than him, like 30 oh, oui. years? Oh, beaucoup, beaucoup. Mm. Mais c'était un grand amour quand même. Oh, mm-hmm. yeah. Alors, voilà la grande Piaf. And call Isabelle. D'accord. Suivi par La Foule. Thank you. Sure. Okay. If you would like to call the studio line, be sure to call 612-341-0980 while the music is playing, and let us know what Theo's last name was so that we can get it right and announce it on the air. Also, if you have any special requests tonight, we'll try to find them and play them as our last songs of the evening. And I would also like to know if anybody has found anything authentically French at the State Fair or any French influence at the Minnesota State Fair. I would love to hear about it. So call the studio line at 612-341-0980. 612-341-0980. Et pendant que we're trying to have a little difficulty, and we're not trying to have a problem in the studio, let's practice a little tongue twister. Les chaussettes de l'archiduchesse quand elles sèchent, archi sèches. Répétez. Les chaussettes de l'archiduchesse quand elles sèchent, archi sèches. Do we have that, everybody? And we are almost there. Do we get comment, it? Comment sont les, ces saucissons-ci? Ces saucissons-ci? Six cents sous, Madame Sans Souci. Je ne connaissais pas ça. C'est la première fois que j'entends cette tongue twister. Comment on dit ça en français, tongue twister? Roule, long. Ah ben, faut que j'y pense. Alors, entre-temps, voilà, piaf. J'ai mes pleurs, c'était toi, Jézabel, c'était toi. Ces larmes transpercées de joie, Jézabel, c'était toi, Jézabel, c'était toi. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, et grâce à mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jézabel, où es-tu? Les souvenirs que l'on croit faner sont des êtres vivants avec des yeux de mort vibrant. Il bat en répétant tout au fond de moi-même ce mot que j'aime, ton nom, Jézabel, Jézabel. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, et grâce à Pétino, emportant mon cœur, Jézabel, mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers en criant sans répit.

grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds d'eau chaude sur leur bureau, en calculant de leur rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, à tous les cocus qui vont tripotant dans la vie et comptant, comptant leur écu. À tous ceux-là, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec les mots qui colleront sous leurs faux plis, sous leurs bajoux, les marques dentaires. You heard three numbers there. First of all, Edith Piaf sang for you Jezebel. And then... I'm not going. We just ignore him. Okay. And Edith Piaf then sang for you La Foule. Finally, Joan Baez sang A Tous les Enfants, a beautiful song. This was on a CD by called Boris Vian et ses Interprètes. Well, it's almost time for our station break here. Oh, j'ai encore une chanson, mais d'abord, il faut annoncer, je crois, la station. Yeah. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, et 106.7 FM, Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota, and it is just about presque 21h, almost 9 o'clock. We want to thank Gordon for calling in. He is a dedicated listener who let us know that he enjoyed some crepes at the fair at that stand that is by the DNR building. And he also let us know that there is now poutine at the fair as well. Ah, French Canadian. Mm-hmm. So if any of our listeners have any other experiences to report in regards to French cuisine at the fair, we would love to hear about them, especially if you come across some charcuterie or some pâté or some good fromage. I would like to hear about that. Other than that, Gordon did ask about the exact date for the 30 years of Bonjour Minnesota, which we're planning on a date in October, which has not been solidified yet, but we are still working on it. So we do want to be able to figure that out soon, and we'll communicate it to you as soon as it's available. But everybody has to be in accordance, right? Mm-hmm. Olaf, Carol, me, and other special guests we'd like to bring. C'est ça. Like Louise. Oui. Alors, voilà une annonce. Je ne sais pas si j'ai déjà joué, mais voilà, encore une fois. KFAI is sponsoring a variety of concerts at the Dakota during the month of September. We start off September 3rd with The Sleep at the Wheel, followed by La Santa Cecilia on the 9th and Chuck Prophet on the 10th. The Heritage Blues Orchestra performs on the 16th, and we finish off the month with Shamika Copeland on the 24th. Details and information about these KFAI-sponsored shows is available at dakotacooks.com. Alors, il est 9h ici, ou 21h en France. Pourquoi pas écouter de la nouvelle musique de la France, un peu? Ok, d'accord. Il y a une chanson, we were talking about that Rat Pack era. We all go through these different eras. And there's a song by L'Artigo called Hipster Patois. And that would be followed by Arthur Forestier with Un coup de poing dans sa gueule. That sounds great. A nice punch in the face. D'accord. So, est-ce que bon, alors, allons-y. C'est des chansons. Quand je parle de langage, on me dit speak English. On m'en parle avec la foi, un peu comme d'une relique. Est-ce la langue d'une religion? Moi je m'en moque de toute façon. Quelque chose de bien à moi, mon hipster patois. Mon hipster patois. Afin de brouiller les pistes, de narguer l'autorité. Plein de langues ont eu le chic de pousser en liberté. Et vive l'argot rebelle, le créole le parle et vert. Tu trouveras face à toi, mon hipster patois. Mon hipster patois. Toi celui qui parle globish, celui qui prend l'avion. Toi qui veux dans chaque pays une copie de ta maison. Je veux être un peu pour toi comme un berger du Kenya. Rien à faire, tu comprends pas, mon hipster patois. Mon hipster patois. Dedans y'a des spaghettis, du pinard et de l'oignon. De la garbure au curry, du steak et du hérisson. Du magret, du hyacinthe, une giclée de harissa. Tes oreilles goûteront ça, mon hipster patois. Mon hipster patois. Le seul langage universel, c'est avant tout la musique. C'est pas l'anglais qu'il me fallait pour élargir ma clique. Mais le langage des sourds-muets, plus agréable à regarder. Rien que pour t'emmerder toi, v'là mon hipster patois. Mon hipster patois. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Nos deux langues iront mourir si tu veux la vérité. Toi et moi à l'agonie sur le sable allongé. Je te ferai signe du doigt pour te chuchoter une dernière fois quelques mots très mal polis dans mon hipster patois. Mon hipster patois. Carmin, les jours où je loupe le dernier train, où même un sourire me dérange. Les jours où l'on me prend de haut, où je maudis l'humain qui est pas beau, où malgré mes efforts rien ne s'arrange. J'ai un remède, une solution. À prendre en considération. Un point dans sa gueule, un majeur levé haut. Cracher l'amour sur le carreau, quitte à finir seul, autant que ce soit beau. Y'a des jours qu'on bat pas. Y'a pas de quartier, y'a pas de justice. Y'a tellement de gros cons qui réussissent. Et leur réjouissance m'est insupportable. Quand je suis trahi par l'ami intime, quand c'est le bourreau qui joue la victime, quand l'idée d'un pardon n'est pas négociable. J'ai un remède, une solution, à prendre en considération. Un poing dans sa gueule, un majeur levé haut, cracher l'amour sur le carreau, quitte à finir seul, autant que ce soit beau. Y'a des jours qu'on bat par chaos. Abat l'appel et beau message, il faut bien dire que ça soulage. Un instant d'instinct primaire. Adieu tendresse de l'étreinte, je veux des visages qu'on esquinte. Et dialoguer, à quoi ça sert? Un poing dans sa gueule, un majeur levé haut, cracher l'amour sur le carreau, quitte à finir seul, autant que ce soit beau. Y'a des jours qu'on bat par chaos. Un poing dans sa gueule, un majeur levé haut, cracher l'amour sur le carreau, quitte à finir seul, autant que ce soit beau. We just heard Latigo with Hipster Patois, which, Hipster Patois, would that be like hipster slang? What is Patois, language, dialect? Language. Yeah, language. And then after that, Arthur Forestier with A Punch in the Mouth. I really like that. Un coup de poing dans la gueule. Uh-huh, coup de poing dans sa gueule, in his mouth, so. No, gueule is animal mouth, so that's a muzzle. A muzzle, yes, so that's the kind of a slangy way of saying it. Mm-hmm, instead of ferme ta gueule is really strong, is shut your mouth, get your animal mouth. That's the worst, right? That's there's tais-toi, shoot, or faut se taire, tais-toi, and ta gueule. There we go. Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Oh! Tu veux Richard Anthony? Pourquoi pas? D'accord. Alors, Richard Anthony va vous chanter Le Déserteur. C'est parmi cette collection par Boris Vian qui l'a écrite, et vous allez reconnaître la chanson parce que c'était reprise par Peter, Paul et Mary pendant la guerre vietnamienne. Le Déserteur. Et d'ailleurs, c'était interdit à l'époque parce que c'était pendant le conflit... Indochine? Ben, tu sais que... Oui, Indochine. La France a été... dans l'Indochine, enfin, le Vietnam, pendant des années. Et alors, enfin, en 1958, ils ont dû partir parce que c'était la fin avec une terrible bataille. Donc, voilà, Richard Anthony, Le Déserteur. Thank you. vous lirai peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on aime grand, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu partir des frères, j'ai vu mourir des pères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert quand d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boule sang. Il y a les prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens: profitez de la vie, éloignez la misère, nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grands. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. We just heard Richard Anthony singing The Deserter, and that was the French version of, I mean, the French song about war, deserting the war in the Indochina, the Vietnam era war deserters. But you were saying it was against the rules to play the song in France? Yes. And what song would have been the Peter, Paul, and Mary version of that song? Well, they sang it in French. Oh, this exact same song? The same song. Oh. During the Vietnam War. Huh. I didn't know that. And that was originally written by Boris Vian, and this is on the CD. He wrote the song, and he wrote so many other songs Carol brought to my attention that now I'm very feeling romantic. Like, I want to just know everything about this person, Boris Vian, and his sort of, not revolutionary, but what do you call it, political awareness type of lyrics and social causes. A lot of things about modern society and, well, that one you noticed, is, what was it, atomic, what? Le Java des bombes atomiques. There's a dance of the atomic bomb. There's another one called Complaint du Progrès. Complaint du Progrès. All about against progress. Right, sounds like a Luddite to me, right? or some song called Je suis snob. A very famous one. Is that one very famous, Je suis snob? Okay, well, so much to know about Boris Vian. A musical genius who is an accomplished trumpet player, interested in jazz. And so many people, including Yves Montand, Henri Salvador, Maurice Chevalier, singing his songs. Yeah. So, more to know. We'll certainly be playing more of his music in the future. I would like to go through this and... Mm-hmm. Here's an announcement. Programming on KFAI is made possible in part through grants from the state of Minnesota. Well, let's see what we have coming up here. How about some announcements? Sounds good. What's going on locally? Qu'est-ce qui se passe? Well, the Alliance Française has many, many things, always something interesting going on there. The book club, the Navigateur de la Littérature, is going to meet on the 2nd of September from 6 to 8 at the Alliance. And they will begin a new book called Merceau contre Enquête by Kamel Daoud, a front runner for, I don't know what, because it was cut off. Many things going on in Rochester, including the Petit Déj on the 5th of September at 9:30 to 11:30 at the People's Food Co-op Community Room, Rochester. Oh, here, this should be fun. You went there. I haven't been to this apéritif en français. Mm-hmm. Yeah, fun? Yeah, it's a university club. Yes, the University Club of St. Paul. It's that lovely place on top of the hill on Summit, right? Yep, where I try to run every day, run up that hill. Yeah, it was very beautiful. And I guess... challenging hill. That is a challenging hill, but you don't have to run up the hill to enjoy a conversation in French. And different people go there all the time. So is that this Thursday? That's coming up the 10th of September. Oh, that's it's from 6 to 7:30 p.m. at the University Club. It's always on the second Thursday of every month from 6 to 7:30 at the University Club. There's going to be a film shown at Le Ciné Club. It's called De Bon Matin Early. It's from 2011. Here's a little blurb on it. Like every Monday morning, Paul Vertrais goes to his job at the bank. Today, however, at precisely 8 o'clock, he gets out a gun and shoots two of his superiors, then locks himself in his office. While waiting for the police, he reflects on his life and the events that led to his actions. So, Crédit it's Lyonnais? By Jean-Marc Moutou, huh? C'est Crédit Lyonnais? No. Crédit Lyonnais, je ne sais pas. Did you say the name of the director? Was that who was that? Who's Jean-Marc Moutou. Hmm. I don't know the actors either. They're Jean-Pierre Daroussin and Xavier Beauvois. Petit Déj. Oh, this is so fun. It's going to meet on the 12th of September. That'll be a Saturday, 9:30 to 11:30 at the Alliance Française. There'll be Petit Pain, Café and Conversation in La Grande Salle. Join us on the first Saturday of the month where you can meet all kinds of interesting people, try out your French, and they won't... They won't sneer if you don't pronounce anything wrong, right? Very nice people. On the 12th, that same day, it is the fall open house from a 9th. Oh, that's going to be after the déjeuner, petit déjeuner. The open house will be 12 o'clock noon to 3 p.m. They'll have all kinds of things there. You can find out what kind of classes are offered. Test out your level, and it's fun, too. It's really fun to meet all those people. And you can also register to win tickets to Stromae. And oh, that's what else? Right. Tickets to the UFC French night, the soccer match. Oh, that's right. That's right. I didn't have it this time. I had a little bit different format that I got this week. Stromae is coming up when? The end the of September? The 22nd of September. It's a Tuesday, so... Yes. I'll be here for sure. Good. Stromae is the big artist in France and Belgium. Mm-hmm. He's Belgian originally. but he's making an attempt at making a name for himself here, evidently. He was on Jimmy Kimmel, and he, I don't know, that concert sold out last time, and it will sell out this time for sure. People know of him. Stromae. Mm-hmm. Well, I say Stromae, but I heard a French person say Stromae. Mm-hmm. Maestro. L'envers? Maestro, l'envers. They turn things or syllables around. That's a new fad there. Well, it's not so new. That's been going on for a long time. Quoi d'autre? Isn't there that thing in Dayton, Minnesota? Has that already passed, or is that... That strange French dinner? No, I don't think it has. I didn't bring that one with me. That one either. Sounds... That's coming up soon. People. It's for French Canadians. Right. And there's going to be a speaker there who tells all about... he's an authority on French Canadian genealogy. And if you are interested in looking up the roots of your family, that would be an ideal thing to start. Mm-hmm. The dinner, I remember, is in... what was it, Dayton's mm-hmm. Bluff or something like that? Yeah. I'll bring that next week. Okay. The Jeunes Cadres Dynamiques, those are professional young people, are meeting. They meet every month. And also there's one group called the Alliance Française High School French Club, Les Jeunes, spelled D-J-E-U-N-E-S for fun. High school students of all levels are welcome with that. For the Jeunes Cadres Dynamiques, contact the group or follow a Facebook page for more information. And also we'll mention too, okay? And for the high school group, well, they do wonderful things, film screenings, visits to the different museums in French, dance and theater performances, a great thing for high school students to meet new people and use their French. Et voilà. C'est tout pour ce soir? Yeah, beaucoup de choses qui se passent. Lots of events happening in the Twin Cities. Oh, and yeah. There's always that conversation group at Nina's Cafe in St. Paul at 6:30 on Monday nights. Oh, really? Well, there are many, many conversation groups all over the city. I know there's one at Barnes & Noble in the Galleria in Edina. Mm-hmm. And... A terrific one on Saturday mornings at the Café Royal. That is a huge, as always, was a very big one. I still haven't been there for a while. Is it on the Hennepin Avenue? And either 12th or 13th. Right. Expresso Royal. That's been going on for like 20 long, years. Long time. You meet all kinds of French people, chance to try out your French and to... Network and meet all kinds of... very different people. Interesting. We also invite you to like our Facebook page, Bonjour Minnesota, if you haven't already. Sometimes I play music there that we don't play on the radio. If I come across something or share some funny, interesting item in the news. I just read in Time.com there was an article, and also in some French magazines, about young people in France terrorizing small villages wearing clown outfits, and now they're considering not selling clown outfits to kids who are older than 12 but under 18. Yeah. Something absurd that I saw today. Anyways, that was my terrible news tidbit. On va écouter de la musique. Voilà. Mm. Alors, Nel. Pourquoi pas? Alors, ça s'appelle Art du Grotesque. C'est self-produced. C'est lui-même qui l'a fait. Et Tancred qui chante Humain, trop humaine. C'est self-produced aussi. Mm-hmm. Allez, voilà. Thank you. la terre est plantée, de quoi tenir une année entière. Je me suis vu désherbé, arraché, sarclé et brisé tant de pierres. Oh, mais l'art du grotesque, oui, l'art du grotesque, je sais. Oh, mais l'art du grotesque, l'art du grotesque, c'est vrai. C'est bien payé ma tête. Dans des prés trempés, sans jamais clapoter. Mais la campagne en hiver est bien morne et austère. On pourrait y lever des armées de macchabées entières. Oh, mais l'art du grotesque, oui, l'art du grotesque, je sais. Oh, mais l'art du grotesque, oui, l'art grotesque, c'est vrai. C'est bien payé ma tête. Je me suis vu sécher les tourbières, les marais, mais rien n'y a jamais germé ni poussé. Il faudrait qu'on m'apprenne à ne plus m'enliser, à ne plus m'entêter, m'envaser. Oh, car là, l'art du grotesque, oui, l'art du grotesque, je sais. Oh, oui, l'art du grotesque, cet art du grotesque, c'est vrai. Aurait ma peau et ma tête. La même histoire qu'on renouvelle encore et inlassablement, comme un refrain sempiternel qui se rejoue continuellement sous le mouvement de manivelle de l'éternel recommencement. Laisse ma main serrer la tienne, et puis demain sera demain. Il n'y a rien que l'on retienne. On est humain, bien trop humain. Elles prennent la forme d'un désir, d'une colère ou d'une passion, d'une angoisse ou bien d'un délire, ou simplement d'une pulsion. Toutes les choses nous gouvernent, envie, orgueil ou ambition. Les choses se déguisent et nous bernent, toujours maîtresse de nos actions. Puisque les choses dansent d'elles-mêmes, mieux vaut peut-être qu'on les aime. Car c'est la même ritournelle qui se répète au fil du temps, la même histoire qu'on renouvelle encore et inlassablement. Comme un refrain sempiternel qui se rejoue continuellement, sous le mouvement de manivelle de l'éternel recommencement. Laisse ma main serrer la tienne, et puis demain sera demain. Il n'y a rien que l'on retienne, on est humain, bien trop humain. They talk? Yeah. Well, we heard there some great music. Thanks, Dana. Mm-hmm. We heard Nesles. Is that how you'd say it in French? I would say Nel. Nel. C'est silent le S. Art du grotesque. Mm-hmm. Et après, Tancred. With human to human. Those were both kind of dark types of songs. Do we want to continue on this path, or should we take a little detour? Oh, let's take a little detour just for fun. Okay. There's this group called Collectif 13. Pardon? Collectif 13, Collective 13, mm-hmm. that I'd like to play a couple of their songs, if you wouldn't mind. D'accord. This one song called Vivant is number, let's see. Yep, right there. 12. Numéro 12. Ah, numéro 12. Mm-hmm. And it is, I just really like their sound. Let's listen to it. And I found some more of their music that okay. I think they're my new favorite group. Merci. Collectif 13. Ne me reste que des larmes, ces quelques notes venues d'autrefois, et le chant de nos prières, nos cœurs qui espèrent, et le vide sous mes pas. Il ne me reste que les cendres de mon village plongé dans le silence. Je ne suis qu'une blessure, un cœur sans armure. Comment survivre après ça? Mais je suis là, je n'oublie pas. Dans mon village, balayé par l'histoire. Et je vis là, n'oubliez effacer des cartes et des mémoires. Je me souviens du rire des enfants, la voix des hommes quand ils partaient au champ, les fêtes des moissons, l'odeur dans les maisons, les éclats d'amour et de joie. Mais je suis là, n'oubliez pas, effacez des cartes et des mémoires. Quand ils sont arrivés, cachés derrière leurs armes, ils étaient des milliers, ils riaient de nos larmes. Ils ont voulu détruire nos croyances et nos âmes avec des mots de haine que l'on ne connaissait pas. Je suis ici ce soir, au milieu de ces ruines, pour vous parler d'espoir. Well, that one, en français ou en anglais? Toi, tu l'as dit déjà en anglais. C'était Lisa Angeli, N'oubliez pas. Lisa Angeli with Don't Forget. And that's on Sony self-titled album. Thanks to RFI for providing that. And now we can listen to some Collective 13 with Vivant. Well, we had a caller. Thanks for calling in, Steve. And he gave us the name of Edith Piaf's husband, Théo Serapo, but told me something I never had known, that was a name that Edith Piaf had given to him, her husband. Uh-huh. And his real name was Lamboutas. Apparently they had a very happy marriage, even though there was a large difference in age. Hmm. And Steve said, told us that towards the end of her life, that his sister moved in. Oh. So, Well, anyway, I'm glad she had company in her final years. She deserved it. Good. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Collectif 13 with Vivant. And then another song, Je veux, by Vivant. Or by Collective 13, sorry. Tahiti Saila, t'as itinéré, je suis ça, que tu t'adores là-haut. Brigue l'or et le fer ailleurs. T'as été à ça de moi, t'as ôté tous mes totems. Ça ne me surprend pas, mais ça ne prend pas le pas sur nos vieilles lunes, sur le pas que j'espère. Dans le chic et dans le baba, fasse pas nos traces sur cette lune et le pas qu'il me reste. On KFAI is brought to you by Southside Pride, a monthly newspaper locally owned and operated in South Minneapolis. Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the South Side and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods and more. More information is available at southsidepride.com. KFAI is Pete Lee on Bob Street. Those Straitjackets play the great instrumental hits with 6 exclamation points. Of course, it's Honky Tonk. Straitjackets, maybe we all need one. On Bob Street, KFAI. KFAI is community. Our fall membership drive begins September 19th. Save some money for bus fare. Stay connected on the air and at KFAI.org. KFAI is proud to sponsor La Santa Cecilia at the Dakota on Wednesday, September 9th. Hailing from Los Angeles, this Latin group draws inspiration from all over the world. Let me take you down. Utilizing various Pan-American rhythms and marrying them to rock, soul, R&B, ska, jazz, and klezmer. More information about La Santa Cecilia in concert is available at dakotacooks.com. Here we go. We just heard, we had Les Innocents again, and we're going to be listening to Collectif 13 with Vivant, followed by Je Veux, and perhaps another song by Collectif 13 coming up next. Not working. Well, we have a little technical problem here, but we'll substitute. And what would you like to hear? Hmm. Did we have some other... That song by Austin, perhaps? Et j'aime bien. Oh, presque oui. With Austin, oui. All right. We're going to substitute in here, and we put in the group called Presque Oui. Tout me parle de toi. Et Sarah Bialy, ma route. T'attendent encore, ceux qui pensent que tu dors tout au fond d'un ravin, ceux qui te rêvent heureux sous un coin de ciel bleu dans un pays lointain, tous ceux qui sont jaloux, ceux qui t'en veulent beaucoup d'avoir su t'envoler. Ceux qui te voient partout, même loin, même flou, ceux qui veulent t'oublier. Et parmi tout cela, moi qui n'en démords pas, tu reviendras. On a cherché longtemps le pourquoi, le comment de ton départ soudain. Un trésor, une menace, un mensonge, une impasse, un amour clandestin. On a dit que le vent te parlait trop souvent de hisser la grand voile. On a dit qu'un revenant sentait-elle lancinant à hanter ton dédale. On a dit tout cela et je n'en démords pas, tu reviendras. Après toutes ces années, j'attends le cœur léger, tout me parle de toi. Les marins, les routards, les annonces dans les gares, tout me parle de toi. Tout me parle de toi. Tout me parle de toi. Ma route, elle s'est faite, elle s'est construite. mot, trop d'écart, trop peu de distance à faire entre mon cœur et ton regard, entre nos deux histoires. On a couvert du terrain, accroché à nos âmes, des souvenirs en pagaille. Marcher main dans la main, déplacer des montagnes. Ma route, elle s'est faite. All right. We just heard that great song by Sarah Bialy called Ma Route. And I love her voice and My Route she was singing about. And before that, we heard Presque Oui with Tu Me Parles de Toi. Everything is talking about you. Everything reminds me of you. And we had a special announcement we wanted to make, is that there's a French-speaking Haitian artist that's going to be working for Bare Bones Puppets on their Halloween extravaganza. And we are looking for a French-speaking house or host family that would be able to host Elie Blaze. And the telephone number for Bare Bones Puppets would be 612-481-3186, otherwise halloween@barebones.org. If you would like to host a French-speaking Haitian artist puppeteer, and if you have any questions, call that number, 612-481-3186, to help host. We had a caller earlier, Steve. Thank you so much for calling in. And he mentioned how much he enjoyed or really was impressed by the interview last week about the liberation of Paris and our guest, Louise Dillery, our dear friend. And if you'd like to listen to that, it will be on one more week in the archives. Simply go to kfai.org and then to archives. Bonjour, Minnesota. And look for Bonjour, Minnesota. And it was August 25th, I believe, last Tuesday. Mm-hmm. Right. So the interview with Louise was fascinating. I've had so many people thank us for that. First-hand account of the liberation of Paris. She was there. Mm-hmm. So it's not like you have, it's not, people think 71 years ago, that is so kind of getting far away from us now, and to have someone who is actually there and tell us what her life was like before and after, how she came to America. Check the archives. And did we have a telephone call from Deborah? Yes, Deborah had called us early. Thank you so much. And she was telling us a bit about, she had seen online on YouTube or something, the Swinkes of Johannesburg, who are dandies who come to town and show off their wonderful clothes. And there is also a group called Les Sapeurs from the Congo. And one of the things that people had noticed was that when Stromae was in the Congo, he came out dressed like a sapeur in a fine dandy clothes and really dressed to the T's with an umbrella and everything. So if you'd like to see this with Stromae and the Les Sapeurs, put in S-A-P-E-U-R-S, maybe put in the Congo or Kinshasa, Congo. So that was Google Stromae or Stromae, S-T-R-O-M-A-E, and Les Sapeurs, S-A-P-E-U-R-S. Sounds great. Steve, also, did I mention this? That's yeah. About the name, yes, that's right. Thank you so much for calling in. We're getting down to the hour. How about just a nice Django Reinhardt? Why not? Perfect. Mm-hmm. Well, we have a lot of them. I'll just choose clouds. One that I happen. Well, Dinah is a lively one. Why not? Here's Dinah by Django Reinhardt. My friend has a daughter named Dinah who just started kindergarten, so why not dedicate that to her? Thank you.